estudiantes de nuestro país al pueblo de México. Han pasado más de 30 días desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde el 26 de septiembre, el dolor de 43 familias se ha convertido en el dolor de todo un pueblo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Galère sur le 88.8 à Marseille. Tout de suite, une émission consacrée à l'actualité du Mexique. Nous parlerons des crimes de l'État mexicain et de la résistance de ses citoyens. Au Mexique, aujourd'hui, 43 étudiants peuvent disparaître en quelques heures. Ils peuvent être arrêtés par la police municipale, puis livrés au narcotrafic. Leurs corps peuvent être retrouvés dans une décharge. L'État peut nier cyniquement sa responsabilité. Et ceux qui veulent protester, ils ne peuvent pas. Brian Reyes et Jacqueline Santana, étudiants à Mexico, eux font partie de ceux qui ne se taisent pas, qui ont transformé leur peur en colère et leur colère en lutte. Ils ont été arrêtés samedi dernier. Aujourd'hui, comme bien d'autres, ils sont en prison. Leur détention est arbitraire. Un retour sur les événements de ces dernières semaines, un aperçu du quotidien dans une démocratie qui n'en a que le nom. Et tout de suite, nous écoutons Portavoz, un rappeur chilien, avec Rebelarte, Rebelle-toi. Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego y no te apartes con descartes juegos. Vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, amplar el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿O eres solo ruido y paja? Artista que no critica el sistema, es un conformista, se entrega al capitalismo mismo, le hace la pega. La neutralidad no existe, si persiste una realidad desigual. Igual que no se viste, si el sistema contra el sistema, asiste más donde se resiste y se entrena sin frenar, quema el esquema, el poema enseña el dilema, pero problema y cadena se frena remando bajo la escena. Esto es rap revolucionario, poblacional, popular contra el capital y el Estado. Seamos sinceros, por favor, antes de ser rapero, primero soy pueblo obrero y poblador. Chicha ni limona, te lo pasáis manoseando tu dignidad, nada más. Lo dijo Víctor Jara en los 70, hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta. Enfréntate a la realidad de una vez, el arte está con el pueblo o con el burgués. Es simple, oye no te engañes, el arte no está en el aire, viene de seres sociales reales. El arte está con el secundario o con el lucro, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo. Esto es para el típico artista apolítico que critica el rap político y no a lo político. Se juran indiferente y esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. Te lo aclaro, acá me paro y declaro que estoy más claro que el cloro cuando disparo párrafos de arte. Desde más caro y encaro el descaro del avaro. Como Lautaro yo me preparo para revelarte. Yao, música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Un nacional está en rima de batalla, hip hop crudo, el humo de la barricada. Música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Poblacional está en rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. De que el gobierno no nos representa. Como decía un compañero anterior de la normal de Ayotzinapa, ya no hay una identidad entre el gobierno y el pueblo. El gobierno piensa, o los políticos piensan, que el gobierno es su empresa, es su negocio, y que nosotros nos pueden usar, nos pueden matar, nos pueden borrar del país si es necesario para que ellos vivan bien. Nous venons d'entendre un diplômé de l'école d'Ayotzinapa, la ville d'où venaient les 43 étudiants assassinés en septembre dernier. Ce qu'il a dit, c'est que le gouvernement ne nous représente pas. Il n'y a pas d'identité entre nous et le gouvernement. Le gouvernement peut nous tuer. Il peut nous effacer. Petite chronologie des événements. En 1968, à Mexico, sur la place de Tlatelolco, l'armée avait réprimé des étudiants dans un bain de sang. Le massacre fait date, encore aujourd'hui, et se commémore dans les rues chaque année. Le 26 septembre dernier, d'autres étudiants sont partis d'Ayotzinapa, dans l'état de Guerrero, au sud de la capitale, pour aller défiler en hommage aux étudiants morts de 1968. Et sur la route, dans la ville d'Iguala, le maire, José Luis Abarca, ordonne à la police municipale de les arrêter avec le soutien de la police de Cocula, une ville voisine. Pourquoi ? Soi-disant, car il les soupçonnait d'aller boycotter les discours de sa femme. Cette information a été démentie par les étudiants d'Ayotzinapa. Au cours de cet événement, il y a eu 6 morts, dont 3 étudiants, 25 blessés et 43 disparus. Les disparus ont en fait été faits prisonniers, puis livrés au groupe Guerreros Unidos, qui est une scission d'un des cartels les plus puissants du pays. Et à partir de ce moment-là, selon la version officielle, on ne sait rien des étudiants. Récemment, les autorités ont dit avoir retrouvé des corps dans une décharge et des analyses ADN sont en cours, en Autriche, je crois. Et pour revenir sur ce qui s'est passé après ce 26 septembre, quelques jours après, le maire de la ville qui avait ordonné l'arrestation des étudiants ainsi que son épouse ont disparu, étrangement, pour finalement être retrouvés puis arrêtés. Aujourd'hui, le gouverneur de l'État, Aguirre, et donc le maire, Abarca, n'occupent plus leurs fonctions. Fin septembre, l'État a arrêté 22 policiers qui étaient soupçonnés d'avoir participé à la séquestration des étudiants et de les avoir livrés au groupe Guerreros Unidos. Des policiers donc corrompus avec le cartel. Aujourd'hui, une quarantaine de policiers ont été arrêtés en tout. Mais les étudiants accusent la police judiciaire d'acheter les témoignages des policiers pour satisfaire l'opinion publique. Les déclarations des policiers sont en effet invraisemblables. Et la version des étudiants est que l'État reporterait uniquement la faute sur le narcotrafic, se dédouanant ainsi de toute responsabilité. Et début octobre aussi, la police a commencé à découvrir, entre guillemets, des fosses clandestines. Des fosses clandestines, en fait, où les corps des étudiants auraient pu être enterrés. Seulement, aucune de ces fosses, dont une quinzaine ont été ouvertes depuis le début de l'enquête, ne contient le corps des étudiants. Ces fosses contiennent en fait des victimes de la guerre contre le narcotrafic qui a débuté en 2006. Porque levantar la voz y protestar no es un crimen, es un derecho, y más que un derecho, como diría mi canal Gran Hombre, es una obligación. Así que para toda la banda que no tiene miedo de salir a la calle a levantar la voz, esta canción para ellos. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa tu política, no seguiremos en esta trampa, no, ya no. Hay comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signas de dólares en el yato de todo el planeta, pero del fuego no han podido dañarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrán parar jamás, jamás, na na na na na na na na na na. No, no, no, jamás, na na na na na na na na na na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Libertad, libertad para nuestros presos exigimos hoy. Libertad para nuestros pueblos, por defender mi tierra estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarme la conciencia, lo siento, la mía no se encuentra en venta, lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no. No se encuentra en venta, no, no, no, no. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, no, ya no. Come on, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en Vallejo, a ti te nombro libertad. Nous venons d'écouter Lengua Alerta, groupe mexicain, avec la chanson Sociopolitico. C'est un classique et Sociopolitico, ça veut dire homme politique sale. Je rappelle que nous dédions cette émission aux événements graves qui se sont déroulés au Mexique ces dernières semaines. Donc on revient sur la disparition des 43 étudiants de l'école d'Ayotzinapa et sur le mouvement social qui s'en est suivi, parce que les étudiants d'Ayotzinapa qui ont survécu aux disparitions, ceux qui n'ont pas été en fait faits disparus, et les autres se sont mis en lutte et ont entraîné avec eux un mouvement de protestation qui est important et qui a essaimé dans tout le pays depuis le 26 septembre. Je trouve que ce mouvement, il a une particularité. C'est, je pense, la première fois qu'au Mexique, depuis le début de la guerre contre le narcotrafic, depuis 2006, il y a une voix aussi forte qui s'élève, qui dit « maintenant nous n'avons plus peur, maintenant nous ne voulons plus normaliser la violence, cette violence qui est partout, qui atteint des niveaux très élevés et que beaucoup de gens normalisent parce qu'on n'a pas le choix aussi souvent de normaliser la violence si on veut continuer à vivre un quotidien potable ». Voilà, j'ai l'impression que c'est la première fois que autant de gens le disent de manière aussi forte et de manière aussi radicale. Nous n'avons plus de peur, nous ne voulons plus normaliser cette violence et nous allons construire un mouvement national pour lutter contre ça. Donc c'est d'ailleurs ce que dit un des étudiants d'Ayotzinapa le 7 novembre, pardon, qui est donc issu de la même école que les disparus. Et donc il nous déclare qu'il ne faut plus avoir peur. Je vous propose qu'on écoute en espagnol un extrait donc de sa déclaration que nous traduirons ensuite en français. Le problème de México es que siempre nos hemos quedado callados a pesar de haber visto siempre en la esquina, en las afueras de nuestro pueblo, a gente decapitada. Siempre lo supimos, nunca lo habíamos querido decir porque teníamos miedo. Hasta hace un año, hasta hace un mes teníamos miedo. Pero hoy queremos decirle a las autoridades mexicanas y también, obviamente, al crimen organizado que no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo y nuestra exigencia contra ellos y contra los políticos corruptos es más legítima que cualquier otra manifestación en años pasados. Señores, tenemos que organizarnos en un movimiento nacional que pueda resolver de fondo este problema. No tenemos miedo a lo que venga. A lo único que le tenemos miedo es a que la gente siga callada, a que la gente siga cerrando los ojos y pretenda no ver las cosas que están pasando en nuestro país. A eso sí le tenemos miedo. Le problème du Mexique, c'est qu'on s'est toujours tu, bien que nous ayons toujours vu, dans les coins et aux limites de nos villages, des gens décapités. Nous l'avons toujours su. Nous n'avons jamais voulu le dire, car nous avions peur. Jusqu'à il y a un an, jusqu'à il y a un mois, nous avions peur. Mais aujourd'hui, nous voulons dire aux autorités mexicaines et aussi, évidemment, au crime organisé, que nous n'avons plus peur. Maintenant, nous n'avons plus peur et nos exigences envers eux et envers les politiciens corrompus sont plus légitimes que n'importe quelle manifestation des années passées. Messieurs, il faut nous organiser en un mouvement national qui puisse résoudre le fond de ce problème. Nous n'avons pas peur de ce qui arrive. La seule chose dont nous avons peur, c'est que les gens continuent de se taire, que les gens continuent de fermer les yeux et qu'ils prétendent ne pas voir les choses qui se passent dans notre pays. De cela, oui, nous avons peur. Cette peur qui peut paralyser peut aussi être moteur de lutte, surtout si elle se transforme en colère. Du coup, on va revenir sur les revendications du mouvement de protestation qui secoue le Mexique depuis la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Ce mouvement dont nous reprendrons un peu les outils de lutte principaux plus tard, a des revendications assez claires que des camarades mexicains nous ont communiquées pour cette émission. Évidemment, tout le monde a ses opinions, etc. Mais il y a quand même 2-3 idées qu'on peut retenir et qui sont communes, je pense, à l'ensemble du pays et à l'ensemble même des divers partis, syndicats, groupes, corpuscules politiques. La première, c'est que l'État doit être jugé pour le crime de disparition forcée. Le crime de disparition forcée consiste en fait quand un fonctionnaire participe de manière plus ou moins active, donc il peut aussi permettre la détention cachée d'une personne. Le président de la République, Enrique Peña Nieto, et le procureur qui est en charge donc de l'enquête, qui s'appelle Murillo Caram, se limitent à dire que ce sont les narcos qui ont commis les disparitions et que c'est eux qui seront punis. Mais le fait que le maire et sa femme soient impliqués est justifié, car ils auraient avoué appartenir à un groupe narco et donc ils n'auraient pas agi en tant que représentants de l'État. Le procureur refuse donc le terme de crime d'État. Et pourtant, c'est bien un crime d'État. On peut déjà citer 4 raisons très précises. Premièrement, car il y a eu participation directe de la police municipale. C'est elle qui a détenu les étudiants. La mairie qui a donné l'ordre à la police municipale d'arrêter ces étudiants et de les livrer au groupe Guerrero Unidos continue de marcher, de fonctionner, même si le maire n'occupe plus ses fonctions. Par exemple, le secrétaire de la sécurité, lui, continue d'occuper ses fonctions. Par ailleurs, il a été prouvé que l'armée était au courant et n'a absolument rien fait. Et la dernière raison qui prouve que ces disparitions forcées sont un crime d'État et non pas seulement un fait des narcotrafiquants, c'est que le président Enrique Peña Nieto a tardé 10 jours avant d'intervenir. Et il a donc violé le protocole de disparition forcée. C'est un protocole qui dit qu'on doit agir immédiatement après la disparition et que les premières heures sont vitales. C'est pour cela que le mouvement de contestation qui a cours en ce moment au Mexique a pour slogan « Fue el Estado », ce fut l'État. Il insiste en fait sur le fait qu'il s'agit d'un crime d'État et non un simple règlement de compte entre narcos. La dernière chose que les amis mexicains ont voulu nous communiquer pour cette émission, c'est que personne là-bas, dans le mouvement étudiant et dans le mouvement de protestation en général, ne croit la version officielle selon laquelle les étudiants auraient été brûlés et que leurs cendres auraient été jetées dans le fleuve Cocula et que donc il n'y aurait plus de traces de leurs restes. Cette version, elle est basée en fait sur 2 témoignages de policiers arrêtés, qui sont des sicarios, c'est des gens en fait qui font partie du groupe Guerreros Unidos. Les étudiants, eux, disent que en fait, ces témoignages sont achetés par la police et qu'ils servent à l'État pour dénoncer uniquement les narcos et ne pas reconnaître le fait que ce soit un crime d'État. Donc aujourd'hui, on a aussi retrouvé des corps dans une décharge. Ces corps vont être analysés, il y a des analyses ADN qui sont en cours et en fait le mouvement de protestation et surtout les familles des victimes attendent impatiemment les résultats de ces analyses pour savoir si c'est bien les analyses des corps. Mais pour l'instant, la version officielle selon laquelle les étudiants ont été brûlés n'est pas validée par les étudiants. Voilà, on va écouter tout de suite 43 semillas, 43 graines, une chanson qui a été composée spécialement... en l'honneur de ces 43 étudiants disparus le 26 septembre dernier. Nadie sabe qué pasaba en Guerrero. 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo. La desesperación de padres sin consuelo. Si te atreves a pensar desaparecerás. Y si quieres hablar te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Quizá no tenga cuerpo de acero, pero corre en mi sangre de guerrero. Las semillas renacerán del suelo, con más luz en el alma y no con miedo. Si te atreves a pensar desaparecerás. Y si quieres hablar te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. De México a Japón me uniré. Somos uno como 43. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Voilà, c'était 43 Semillas, une chanson qui a été enregistrée au pied levé de manière artisanale par des étudiants de la faculté des relations internationales et qui est donc dédiée aux 43 étudiants disparus le 26 septembre. Disparition qui a donc généré tout un mouvement de revendication dont nous venons de parler. On va maintenant parler plus précisément de la mobilisation et des moyens d'action de ce mouvement, Florence. Oui. Alors, je vais revenir un peu sur les outils de la lutte, en fait. Comment les étudiants d'Ayotzinapa, les étudiants de la capitale Mexico, et puis les non-étudiants aussi, les familles des étudiants et tous les autres qui se sont mobilisés, comment ces personnes manifestent leur colère et leur désaccord et font entendre leurs revendications. Il y a d'abord quelque chose de très important, il y a 3 caravanes qui sont partis depuis Ayotzinapa, au nord, au sud et au centre du pays. Les caravanes, c'est quelque chose de commun au Mexique dans les mouvements de protestation sociale, je crois. C'est quelque chose qui a déjà été en effet expérimenté par les zapatistes et aussi par le mouvement pour la paix qu'avait lancé Javier Sicilia il y a quelques années. Donc ça permet en fait, une caravane, elle permet de diffuser le message dans tout le pays, y compris en milieu rural, chez des personnes qui n'ont pas forcément accès aux médias et aux moyens de communication. Et surtout, elles permettent de récolter la parole. Et elles permettent de tisser des liens entre les gens et entre les organisations sociales, entre les ONG, entre les individus, pour pouvoir construire une lutte vraiment à échelle nationale et profondément, quoi. Donc il y en a une qui est allée au sud, au Chiapas, qui vient d'arriver qui a été accueillie par les zapatistes là, je crois hier ou tout à l'heure, je sais plus exactement quand. Une autre qui est allée au nord du pays, à Chihuahua, et une autre qui est restée au centre, enfin qui est arrivée au DF, donc à la capitale. Et ces 3 caravanes, donc qui sont en fait des cars, c'est pas du tout des caravanes. Demain, elles convergent vers la capitale pour un rendez-vous important qui est une grande journée de mobilisation nationale. Voilà. Et donc les 3 caravanes convergent demain à la capitale. D'accord. Il y a aussi des moyens de revendication plus classiques, hein, qu'on connaît plus ici. Oui. Il y a notamment les blocages d'université. Après, beaucoup de blocages aussi de péages d'autoroute. Ça a été fait à plusieurs reprises. Aussi d'aéroports, des manifestations dans la rue, des occupations de bâtiments administratifs, de médias. Il y a aussi un groupe qui a essayé d'incendier le Palacio Nacional, qui est quand même l'équivalent de l'Élysée chez nous. Donc évidemment, leur Élysée n'a pas brûlé. Mais bon. Il y a aussi une marche. Oui, il y a eu une marche de 190 km entre Ayotzinapa, donc le lieu de l'école des disparus, et la capitale. Une marche de 43 personnes, comme 43 disparus. Voilà, une marche symbolique. Ouais. Donc c'était un hommage donc à ces 43 étudiants disparus. Mais cet hommage se fait pas forcément dans la facilité, même plutôt dans la douleur, parce que qui dit mobilisation dit forcément répression. C'est vrai en France, mais ça l'est aussi vraiment particulièrement au Mexique. Oui, par exemple, dans la chanson qu'on vient d'écouter, 43 Semillas, la fille qui chante dit « Si tu oses penser, tu disparais ». En tout cas, si tu oses une pensée critique et que tu oses la dire à voix haute et tu n'as pas peur de crier ça, tu prends des risques. Là, samedi dernier, à l'université, c'est quelque chose de très important. À l'université de Mexico, il y a des policiers qui sont rentrés dans l'enceinte de l'université. Ce qui se fait pas d'habitude, hein, ce qui s'était voilà, ce qui est interdit par la loi et par la pratique aussi. C'est quand même quelque chose de symbolique. Et qui a commencé à prendre en photo des personnes qui sont, on va dire, intégrantes d'un... Enfin, en tout cas, qui participent à la vie d'un amphithéâtre autogéré qui s'appelle le Che, comme Che Guevara. Et c'est un amphithéâtre symbolique, quoi, qui date de la grève de 1999, qui est un lieu autogéré, etc. Et qui est vraiment un foyer aussi de protestation et de réflexion. Et des policiers donc ont commencé à prendre des photos des personnes à l'extérieur de cet amphithéâtre jusqu'à arriver à un moment de conflit. Et ils ont tiré, du coup, avec des armes à feu sur des étudiants. Il y a un étudiant qui est blessé à la jambe, il y a un chien qui est mort aussi. Et donc il y a un flic qui est à l'hôpital aussi parce qu'il a été tabassé. Et ce qui est important aussi, c'est que les flics ont été... la présence et l'action... De ces flics à l'intérieur de l'université a été permise par le directeur de l'université puisque notamment ils étaient accompagnés d'une personne du personnel de l'université à ce moment-là et qui se sont enfuis en laissant leur voiture, donc ils étaient habillés de civil, là c'était une voiture civile, ils se sont enfuis dans un taxi de l'université parce que donc c'est un grand campus avec un réseau de taxis interne. Suite à ces événements, samedi, la voiture des flics a été brûlée sur le périph' qui entoure l'université. Et 500 granaderos, l'équivalent des CRS ici, ont débarqué dans l'enceinte de l'université, mais en restant à la périphérie, pour tenter de réprimer le mouvement de contestation qu'il y avait à ce moment-là. Voilà, ça c'est quand même un fait très important, c'est la première fois depuis des années que les policiers rentrent et surtout tirent sur quelqu'un à l'intérieur de l'université. Et puis on imagine aussi que dans ce contexte-là, il y a eu un certain nombre d'arrestations, ouais. Dont celle de Brian Reyes, que tu as connu toi Florence quand tu es passée au Mexique. Donc voilà, le même jour... Il y avait une manifestation aussi à la capitale le jour de ces événements au sein de l'université. Et en fin de journée, il y a deux personnes qui ont été faites prisonnières de manière arbitraire et illégale, qui s'appellent Brian Reyes et Jacqueline Santana, c'est un couple. Ils ont été arrêtés à la sortie de chez eux par des personnes habillées en civil, dans une voiture en civil, aux vitres teintées. Les personnes qui... Donc, ils ont essayé de... Enfin, ils ont crié, demandé à l'aide, etc. Et en fait, il s'avère que les personnes qui les ont arrêtées étaient de la police fédérale, comme l'équivalent de la police judiciaire ici. Et soi-disant, ils auraient emmené les jeunes pour vol à main armée à un policier fédéral. Soi-disant, Brian et Jacqueline auraient volé 500 pesos, enfin, extorsionné 500 pesos, ça va être d'un couteau. Sachant que c'est des gens qui militent depuis longtemps, que Brian avait déjà été détenu en 2012 pour des raisons politiques lors des manifestations à l'arrivée du président Enrique Peña Nieto, et que son cas avait été super médiatisé, et qu'il était resté un mois en prison complètement arbitrairement aussi. Et suite à ça, il a continué de militer, et je pense que son nom était aussi assez symbolique dans la lutte aujourd'hui. Du coup, le fait qu'il soit arrêté de manière arbitraire, de manière illégale par des policiers en civil, ça montre vraiment qu'il y a une répression du mouvement social, il y a une répression de toute opposition, en fait, ou de toute tentative d'opposition. Et ce qu'on réprime ne sont pas forcément des actes, apparemment aussi, mais aussi bien sûr des idées et une colère, quoi, de manière générale. Donc évidemment, on appelle à la libération de Brian et Jacqueline qui ont été transférés en prison moins de 48 heures après leur arrestation. Jonas qui vient rentrer dans le studio et qui vient de passer 7 mois au Mexique. Moi, en fait, je voulais poser une question à Florence. Moi, je suis parti à peu près 3 semaines avant que les étudiants disparaissent. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir quelques manifestations, là où le mouvement social commençait à prendre de l'ampleur. Et j'ai eu l'impression que ça allait bien au-delà des étudiants, en fait. Donc, il y avait des étudiants, bien sûr, il y avait des professeurs, mais il y a aussi beaucoup de parents qui étaient touchés parce que leurs enfants avaient disparu ou parce qu'ils avaient des enfants étudiants. Donc, je voulais te savoir si, à ton avis, c'est un mouvement qui rassemble de manière assez large, en fait, la population mexicaine et qui va pas, qui s'arrête pas juste à la mobilisation étudiante, en fait. Je voulais savoir ton point de vue là-dessus et... Bon, moi je suis pas là-bas, donc les moyens d'information que j'ai, c'est les médias alternatifs qui peuvent publier sur internet, sur Facebook, les radios alternatives et les amis qui m'en parlent. Mais oui, je pense qu'en tout cas, enfin, je pense qu'en effet, c'est pas un mouvement qui s'arrête aux étudiants. Après, à quel point c'est un mouvement qui touche la société dans sa globalité, je sais pas. Je sais pas, en fait. Mais oui, en tout cas, les caravanes, par exemple, elles sont destinées à ça, à réunir le maximum de monde, de tranches sociales différentes, d'âges différents, à opinions aussi différentes, quoi. Mais c'est des alliés. Voilà, c'est ça aussi, c'est s'allier, ne plus avoir peur ensemble, et hausser la voix ensemble, moi, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que les étudiants, ils ont du temps... ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les étudiants, ils ont accès à des médias, à de l'information, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au Mexique. C'est pour ça que je pense que souvent les mouvements partent du milieu étudiant là-bas, mais enfin pas tout le temps, mais là en l'occurrence. Ouais. Disons qu'ils ont une force de mobilisation, mais après, même si il y a beaucoup de désinformation au Mexique, voilà, il y a des médias de masse, on va dire, qui font une propagande pro-gouvernementale. Après, là, c'est des étudiants qui sont touchés aussi directement par le narcotrafic et par, comme une grande partie de la population au Mexique. Donc, je pense qu'aussi, ça peut toucher beaucoup de personnes par ce biais-là, en fait. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que la différence entre État et narcotrafic, elle est faite dans les médias, alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Le narcotrafic, ce qui est narcotrafic ou pas, n'a plus de sens, en fait. C'est juste une corruption généralisée, une violence généralisée, des pratiques généralisées qui appartiennent tant aux fonctionnaires, enfin aux personnes travaillant pour l'État que aux personnes travaillant pour un cartel. Et du coup, voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais ouais. Que, en fait, le discours de l'État, c'est quand même de dire « Nous, on fait tout pour enrayer le problème. Nous, on fait tout pour rechercher les étudiants. C'est la faute au narcotrafic. » Et je pense que c'est un discours auquel beaucoup de personnes adhèrent aussi, finalement, parce que c'est un discours facile. Enfin, oui. C'est un discours... Oui, tout le monde souffre du narcotrafic, mais... Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dupes que de la corruption de l'État et du lien qu'il a. J'imagine. Oui. Puis après, le narcotrafic, bon, je ne veux pas faire l'avocat du diable non plus, mais c'est une forme d'organisation sociale à part entière. Et bon... Voilà. Non, on parlera peut-être dans une autre émission. Un dernier mot à ajouter. Et ben dans ce cas, un petit mot pour vous dire. Donc, on a pu entendre des sons qui ont été récoltés et publiés par Regeneración Radio, par Subversiones et par la radio de l'UNAM, l'université. Côté musical, on a pu entendre Rebel Arte, donc du groupe Portavoz, groupe chilien, Sucio Politico de Lengua Lerta, groupe mexicain, 43 Semillas des étudiants de l'Université de Mexico. Et nous finissons sur une musique de rap argentin de Juanchi MC, Son Desaparecidos, Ils ont disparu. C'est une chanson qui parle des disparus pendant la dictature argentine il y a plus de 30 ans. Mais qui résonne encore aujourd'hui. Juste avant, Florence. On peut peut-être faire des remerciements à Flo, à la technique, à Jonas, à Claire, à Ivan qui nous écoute peut-être et à tout le monde. Saludos a la banda Aya. Et une petite dédicace à Nathalie aussi, qui est sûrement en train de nous écouter en ce moment. Ya mandamos muchos abrazos a todos amigos en lucha en México, a la Chanti, a Olina, a Ivan, a Nathalie, a todos los otros que están luchando. Suerte, compañeros. Voilà, et avant d'écouter cette dernière chanson de rap argentin, nous écoutons les mots d'un étudiant de l'université d'Ayotzinapa qui, en appelant à la mobilisation demain, nous dit que « Malheureux sont les peuples où la jeunesse ne fait pas trembler le monde et où les étudiants restent soumis à la tyrannie. Un salut combatif de l'école normale rurale à Raúl Isidro Burgos d'Ayotzinapa, état du Guerrero. » Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Un saludo combativo de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Vuelvo atrás en el recuerdo, los años de dictadura donde la mentira ordenaba y la verdad estaba muda. Terrorismo del Estado, furia sin piedad, actos críticos de lesa humanidad, asesinatos, robos, desaparición de gente. Todo eso tan solo por pensar diferente. Represión a la unión estudiantil, expresar las ideas era muy difícil. Gobierno militar generó tanta violencia, depresión por la falta de tanta conciencia. Estudiantes quietos por fuerza demacrada, todos veían esos días la verdad acobardada. Con sinceridad, esto no es una pavada, esto es sufrimiento que sea de la época pasada. Mujeres, niños, mucha gente inocente, presentes en cada latir y vibra de nuestra mente. No son desaparecidos, están en nuestra mente, brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir, no nos cansa. Saltemos, esto tiene que seguir. No son desaparecidos, están en nuestra mente. Brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir. No nos cansaremos, esto tiene que seguir. Abro mis ojos pa' que no se hunda este bote. Juntos todos sacaremos toda la verdad a flote. No debemos dejarlo solo como un hecho, solo por el honor a nuestro pueblo maltrecho. Consciente de los hechos, no parar de moverse. Total, la esperanza es lo último en perderse. De la mentira hemos vivido preso, aguantando los daños, pero aún seguimos ilesos. Tristeza guardada en un bloc de imágenes. Estudiantes simples en la noche de los lápices, ahogando el sufrimiento, olvidando el sentimiento. Cayeron al silencio, callaron pensamientos. Acostumbrado el hombre a ver fuego arder, obsesionado y enamorado del poder. Pero seguimos en pie, todo aguantamos. Quédese tranquilo, no nos olvidamos. No son desaparecidos, están en nuestra mente. Brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir, no nos cansaremos. Esto tiene que seguir. No son desaparecidos, están en nuestra mente. Brillarán para siempre en el corazón de la gente. Unidos todos vamos a resistir, no nos cansaremos. Esto tiene que seguir.